printemps sur Novgorod. Voilà déjà longtemps. De rose en rose en Novgorod, longtemps que je je t'aime tant. Le temps s'arrête.